Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Ça commence déjà par un fou rire, Tania. Si, je dois avouer, Mathieu, c'est la face que t'as faite. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que t'as fait, justement. J'ai l'air trop excité par le café encore. C'est probablement ça. T'as comme pris un air d'aller avant d'y aller. Caméra 3 voit oui. Ça, mais un air de confiance. Et voilà. En c'est... mes performances au palmarès aujourd'hui. C'est juste ça qui est arrivé, en fait. J'avais l'impression que tu pensais que c'est moi qui commençais pendant une seconde. Non. Hey boy. Bienvenue au palmarès, c'est fou pour la semaine du 12 au 18 septembre 2016. Nous revoilà en temps réel. Presque, en fait, non, je dis ça, puis c'est pas vrai pantoute. Pas vrai pantoute, Mathieu, t'as tort. C'est la semaine passée, mais après ça, à partir de la semaine prochaine, on va revenir à jour dans nos affaires. C'est 18 au 25, je crois, les vraies dates. 18 au 25, exactement. C'est juste sur la feuille, c'est marqué 12 au 18. Bref, on est tout mêlé. C'est pour les deux semaines en cours. Et la semaine prochaine, on reviendra en temps réel. Ça te va, ça? C'est bien ça. Voilà. Donc, dans ces palmarès-là, on va avoir 5 nouvelles entrées. En anglophone, on parle de... le retour de Etou Broussé. Etou Broussé! Tu te rappelles la chanson Hey Blue? Ben oui. C'était eux, donc Etou Broussé. C'est une des pièces préférées, mon Dieu. Absolument, de l'été. Aussi, on a une nouvelle entrée d'un groupe qu'on a adoré jusqu'aux dernières semaines, jusqu'à temps qu'ils nous quittent, Person, et une découverte de D.O.C.'s. D.O.C.'s, pas l'émission, là. Non. Faut faire attention. C'est qui différemment, on en parlera tantôt, hein? Oui, exactement. Et du côté francophone, eh bien, on a deux nouvelles entrées, entre autres Chocolat et un retour de celle qu'on aime infiniment ici, c'est fou, La Bronze. Ouais. La petite préférée à Mathieu. Pas mal, ouais, je l'aime bien. Donc ça, c'est les nouvelles entrées qu'on va faire en début d'émission. D'ici la fin, dans 3 heures environ, on va savoir qui est numéro 1. La semaine passée, c'était, ou dans les précédents palmarès, c'était Bad Bad Not Good avec In Your Eyes. Et la semaine dernière, du côté francophone, eh bien, c'était Fred Fortin avec la pièce Gratte. On va voir si c'est la même chose cette semaine. On verra bien, mais on commence avec les nouvelles entrées. En 20e place anglophone, c'est D.O.C.'s, les sus-mentionnés D.O.C.'s, avec leur album A Weird Exits et leur pièce Plastic Plant. Du côté francophone, eh bien, on va aller écouter Chocolat avec la pièce Les Pyramides. Au palmarès, c'est fou! 89.fm! Nouvelle entrée.

Person, la pièce Mr. Howard sur l'album Desire's Magic Theater en position numéro 19, nouvelle entrée. Et du côté francophone, on a entendu la nouvelle pièce de La Bronze qui est roi de nous. Oui, c'est bon. C'est différent comme style. On dirait que La Bronze change un petit peu de son depuis les dernières pièces qu'on a d'elle. C'est pas aussi accrocheur, mais ça reste très bon. C'est vrai. Puis si vous allez faire un tour sur sa page Facebook, on a toutes les dates sur sa photo de couverture, celle qui se retrouve en haut et non pas la photo de profil. Là. Tout le monde sait c'est quoi une photo de couverture? Merci. Oui, Tania. Donc, si vous allez sur la page Facebook de La Bronze, vous allez voir où est-ce qu'elle va être en spectacle prochainement. Alors, si jamais vous n'êtes pas nécessairement de Trois-Rivières, allez faire un tour pour voir ça. Et voilà. En 20e place anglophone, c'était une nouvelle entrée d'un nouveau... en tout cas, moi, je ne connaissais pas ce groupe, The OCs. L'album s'appelle A Weird Exit et la pièce était Plastic Plant. Et en français, eh bien, on a entendu Les Pyramides de Chocolat. Bon bloc de 4 nouvelles entrées. Il nous en reste une seule à entendre. Ah ouais? Oui, j'avoue qu'on aurait pu la jouer avec les autres. Hein, mais c'est qu'on avait déjà joué 4 pièces et en plus, il y en avait une super longue là-dedans. Il y avait une pièce de 6 minutes, donc on va revenir juste pour entendre la nouvelle entrée. Oui. C'est le fun, ça? Donc, on adore ça. C'est par Etou Brousse et c'est la pièce Lasca. Pas Lascal. Non, pas Lascal. Il reste encore un bon 2h30. Ouais, pas le choix. Ça vient à tourner plus tard. D'accord. OK. Lasca et tout broussé. Pas mal, c'est fou. 85. 85. Oui. Ah, j'aime tellement ça pour pouvoir entendre les pièces avant de les faire jouer. Je sais. C'est comme une surprise. Call out to the winter, call out to the wild, a calling out from summer when you Ah, c'était bref, mais ça valait la peine quand même. Une nouvelle entrée en position numéro 18 anglophone, Et tout broussé avec Laska sur l'album homonyme. Donc, on a fini avec les nouvelles entrées. Ça a bien été quand même. Juste 5 nouvelles entrées. On a eu pas mal pendant l'été. Donc, le reste du palmarès, c'est quand même semi-récent. Oui, oui, quand même. Tantôt, on l'avait dit, mais on va le répéter parce que c'est là qu'on est rendu. On saute par-dessus les 17e places. En anglophone, ça descend de 2 places. King Gizzard and the Lizard Wizard avec People Vulture, c'est là depuis 7 palmarès. Et du côté francophone, eh bien, on va sauter par-dessus les 18e et 17e places parce que, bien évidemment, on a entendu la 18e anglophone. Alors, on va sauter par-dessus Rouge Pompier avec la pièce VHS. Elle est quand même là depuis 6 palmarès maintenant et elle a descendu de 6 positions. Et aussi, on va sauter par-dessus Crab avec la pièce Déjà bientôt La Lumière, qui elle aussi est là depuis 6 palmarès, qui elle a descendu aussi de 6 positions. Absolument, on va aller entendre quelque chose d'un petit peu plus récent, donc c'est du côté anglophone, c'est la formation Deerhoof qui descend de 4 places. Voici The Devil and His Narcotic Surrealist Retinue. Toujours prendre un souffle avant de dire ce type de chanson-là. Pas le choix, hein, parce que c'est vraiment long. Ouh, Deerhoof au palmarès, c'est fou. Deerhoof, c'est même le son que tu fais quand tu... Deerhoof. Ouais. Ouais. Ce n'est pas le reste, c'est fou! Au 89 FM! rappelle de moi. Thank you. La 15e position anglophone, Constellations par Black Mountain sur l'album 4. Oui! Oh, oui. Mathieu! Si je toute ne nouvelle formule, les palmarès, c'est fou. Hein? Tout nouveau! Tout à fait! Si je ne m'abuse, on a écouté Artifice Palace avec Entre tes mains, une pièce qui est quand même là depuis 4 semaines, qui a descendu de 2 positions, mais qu'on aime toujours autant. Ça, on doit l'avouer. Tu t'es rattrapé dans les détails. Je sais, t'as vu. Avant ça, en position numéro 16, anglophone, c'était Dear Hoof avec The Devil is Anarchic Surrealist Retinue qui descend de 4 places, qui est là depuis 4 semaines. Et on a aussi sauté par-dessus la 16e francophone. On n'a pas fait jouer les Indiens avec la pièce Sauvage. Ils sont là, par contre, depuis 5 semaines déjà. 5 palmarès, en fait, parce que rappelons-nous que pendant l'été, c'est pas nécessairement aux semaines. C'est aux 2 semaines, aux 3 semaines, voilà. Au mois. Ça dépend de la, ça dépend du feeling. Mm-hmm. C'est une question de feeling. C'est une question de feeling. Non. Pas les copyrights là-dessus. Ah, pourquoi? On saute par-dessus les positions numéro 14 et 13 francophones, n'est-ce pas? Oui, bien, on va sauter par-dessus la bronze qui est, qu'on a vue dans les nouvelles entrées, mais elle est 2 fois au palmarès, entre autres avec la chanson Monarque, une pièce qu'on aime quand même bien. Ouais. On a descendu de 4 positions pour la bronze depuis le dernier palmarès, et on va aussi sauter par-dessus la 13e francophone, c'est-à-dire Catherine avec Compliqué, qui, elle, est aussi là depuis 5 semaines. Je sens un certain pattern avec cette pièce-là. On l'a sauté à pas mal tous les palmarès jusqu'à maintenant. Donc, est compliqué, c'est parce qu'on n'aime pas ça. Hein? Que ça crie. C'est ça, on va se le dire. Du côté anglophone, 14 et 13, c'est ce qu'on va entendre. Donc, on va rester en anglo pour un petit bout. Plus tard, il y aura White Horse avec My Babe, mais on commence en 14e place qui descend de 2, c'est Jay Arner. Avec Crystal Ball. Dans les palmarès, c'est fou. 89 FM. C'est synchro, ça. C'était très synchro, Mathieu. Des vrais pots. C'est comme si c'était calculé. Ouais, on devrait aller ensemble tous les matins de semaine de 6h30 à 9h30. C'est une bonne idée. À partir de l'automne prochain. Ah, OK. My babe, I know she loves me, my babe.

cœur. Je suis un trophée sans corps. Allez comprendre, allez comprendre. C'était la pièce Kill Your Memory par Heaven for Real. Je trouvais que ça avait l'air un petit peu métal comme nom. Kill Your Memory. C'est vrai, hein? Ça aurait pu être très très heavy, mais non. Non, c'est un petit peu gentillet quand même. Donc on vient d'entendre Heaven for Real en position numéro 11 anglophone qui monte de 8 places, nouvelle entrée de la semaine passée. Et du côté francophone, eh bien, on fait tout simplement descendre pour plusieurs pièces, mais ça a descendu de 2 positions pour l'indice avec Cécile. Mm-hmm, en anglophone, Daniel Romano était là avec Valerie Leon, position numéro 12 qui a descendu de 2 places et ce qui a débuté le bloc. On avait sauté par-dessus la 12e francophone. C'est vrai qu'il était Lazare de Fudge. Ok, oui. Et voilà, c'est la fin de la première heure des Parleurs assez fous. Il y en a une deuxième, puis une troisième. Mm-hmm. C'est quand même pas mal sympathique de notre part. Donc, dans le prochain bloc, il y a les positions 10 à 6. Aussi, d'ici la fin de l'émission, ailleurs dans les palmarès et notre nouveau segment, ton nouveau segment, huile de palmarès. Ok, oui. Oh, que ça sent l'huile à plein nez. Ou les saletés de la salle de bain du pavillon. C'est probablement ça. C'est probablement ça. Les restants d'alcool de tout ce qui reste de la semaine dernière. Tout ce qui est, ouais. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89,1. C'est les paroles assez fous pour la semaine du 12 au 25 septembre, une période qu'on pourrait dire 2016 et Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, oui, oui. C'est la dernière fois qu'on va se faire un palmarès de 2 semaines pour l'instant. Donc, on va revenir à un horaire habituel la semaine prochaine avec le palmarès qui débutera le 26 septembre. Là, on est encore sur le restant de la saison, je dirais, fin estival, début automnal. Oui, oui, tout à fait. Quelque chose comme ça. Bref, on a entendu de nouvelles entrées. Il nous reste encore à savoir d'ici la fin de l'émission si nos numéros 1 sont toujours en anglophone. Bad, bad, not good avec In Your Eyes. Et du côté francophone, on va essayer de savoir si c'est toujours Fred Fortin avec Gratte. Voilà, mais en ce début de deuxième heure, on est rendu au position numéro 10. Donc, du côté anglophone, on va entendre Supermoon avec Witching Hour qui descend de 3 places. Et du côté francophone, eh bien, on va entendre Bleu Toucan avec Anoua Café. Au palmarès, c'est fou! Au 89 FM. We'll be right back. Counterfeit Jeans avec No Desire, position numéro 9, qui descend d'une place en anglophone. Du côté francophone, eh bien, on a entendu Te retrouver du groupe Les Passagers, qui, eux, ont descendu de 3 positions. On a aussi entendu les positions numéro 10 en anglophone, Supermoon avec Witching Hour, qui descend de 3. Et en 10e francophone, eh bien, c'était Anoa Café de Bleu Toucan. Eux ont descendu de 2 positions depuis le dernier palmarès. Absolument, on est rendu donc aux 8e place dans l'ordre des choses. Oui. Les choses se placent quand même bien. On va atteindre le sommet, je te dirais, d'ici la fin de l'émission. C'est le plan. Ah ouais? Ah, OK. Donc, position numéro 8 en anglophone, ça descend de 4 places. Ellie Schauf avec The Magician. Et du côté francophone, ça descend aussi de 4 positions. C'est Elle Beach de The Liminianas. Yeah. Les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Aïe, aïe, aïe! Et calotte! OK. Un soleil a tombé par terre, brûlant comme à la morricière. À la surface de l'horizon, je contemple la situation. Je vois le ciel incandescent, le blanc du sable étincelant. Je vois passer le troisième âge, les obèses et les enfants sages. Sur la plage en ébullition, des glacières de compétition. Une profusion de pastèques. Des filles qui ondulent en chanclette. Vêtue d'un maillot de panthère, j'ai pris mon allure de croisière. Allongé sous un parasol, je mâche des graines de tournesol. C'est l'heure où le long du rivage, les Allemands sont en nage. Voilà que commence le défilé, des malabars en bijoutés. Dans l'air flotte un parfum étrange, l'odeur de lavande et de beignets. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. C'est le 89. C'est fou. Thank you. Schaff, The Magician. C'est la position numéro 8. Ça descend de 4 places. Et l'album s'appelle The Party. Tu vois, tu disais qu'il restait pas beaucoup de temps en chanson, il restait encore une minute. Là, c'est pas encore fini. Là. Ça continue encore un petit peu. Ah ouais, ok. Ça va finir bientôt là. Je pense que là, c'est pas mal fini. Là. Ok, donc en 8e francophone, c'est le temps de dire qu'est-ce qu'il y avait? Oui, absolument. Et voilà, donc en 8e francophone, il y avait El Beach de The Liminianas. Je trouve que ça sonne une toune des Minions. Des Minions? The Liminianas! Les Minions! Voilà. J'avoue, t'as raison, Kevin. Bien raison. Vous avez entendu un petit avant-goût de la chanson thème il y a quelques instants là, pour cette prochaine chronique qu'on s'en va faire. J'étais trop excité pour la faire jouer. Donc, on va repartir, la vraie chanson pour la chronique Huile de palmarès. Tors le torchon. Je sais pas, vide la bouteille. Pas de l'huile de palmarès. Ok, il faut faire de l'huile. Très le pis. Très le pis. Oui. C'est la langue. Oui, ben oui. Rends-toi ça. On prend des pastilles. Donc, les pastilles toutes collantes qu'on a en studio sont bien fun. Je pense que c'est des pastilles de C'est fou, donc c'est tout collant. Voilà. C'est ça. On est comme ça, nous. Hein? C'est collé sur le papier. Ça n'a pas l'air. Donc, huile de palmarès, Tania, rappelle-nous qu'est-ce que ça veut dire. Bien, en fait, on se posait la question, toi et moi, un jour, de savoir quelles étaient les nouveautés, ou pas nécessairement les nouveautés du côté indie sur les réseaux sociaux ou encore les applications pour écouter de la musique. Spotify! Alors, je me suis donné comme mission de vous faire découvrir des artistes et plus précisément des nouvelles pièces à chaque semaine, donc des nouvelles chansons qui sont sorties sur Spotify depuis quelques temps ou tout récemment. Tout est seulement Spotify et plus de rien d'autre. Là. Non, il y a encore du 8-tracks, okay. Mais t'sais, c'est difficile de trouver une chanson sur Shazam. C'est rare qu'on écoute du Shazam. Ouais, j'avoue. Alors, de ce côté-là, non, je t'avouerais que je suis pas mal Spotify ces temps-ci parce qu'il y a plusieurs pistes, différentes playlists qu'on peut écouter. Ça ne t'attend pas les petites publicités, genre Spotify Plus, Extra, je sais pas quoi. Ça ne dérange pas tant que ça. Je pense que c'est comme une publicité à la radio. C'est primordial. Oui, c'est très important. On les écoute toutes, bien sûr. Et voilà. Voilà. Elle me regarde là, comme si je les écoutais pas, puis que je faisais d'autres choses, puis que je magasinais les crayons sur le site de Walmart. Ben ouais, hein, Mathieu, ouais. Genre 12 roses. 12 crayons roses, mais c'est pas celui-là que je cherchais un modèle, puis il n'avait pas. Ouais. Il y en avait pour 111$ un emballage de 12 crayons. Voilà, mais non, c'est ce que Mathieu fait pendant les pauses. C'est cher du crayon. Oui, mais toi, c'est pas mieux, tu regardes des vidéos de... Pardon? Pas, pardon? Regarde des man buns sur Instagram, je sais pas. Man buns sur Instagram? Non. Hashtag man buns Instagram? Non, c'est fini cette heure-là. C'est fini les man buns. Elle a banni les man... Hey, c'est là, c'est de la discrimination, là. C'est pas de la discrimination envers les man buns, quand même. C'est la discrimination. On salue tous ceux qui travaillent à la chasse-galerie. Oui! Excuse-moi, c'est comme un prérequis, hein? C'est soit t'es une belle fille ou soit t'es un man bun. Exactement. C'est rare que c'est les deux en même temps, ça peut arriver, j'imagine. On salue la fille qui a un man bun. Non, elle a peut-être pas de barbe, mais c'est aussi c'est un prérequis là-bas, ça a l'air. Hein? La barbe, oui, chez les gars. Chez les gars, pas chez les filles. Faut que je sois poilu de partout. C'est ça, exactement. Ouais. Hey, on espère que vous passez quand même du bon temps avec nous. Oui, on espère que la chasse galerie continue d'écouter ici musique comme d'habitude. Ben non, hein? Mais ça dépend qui est là. Oui, des fois c'est Galaxy Stingray. Peut-être que présentement, Stingray. On est en train de parler des hommes aux man bun et que ça écoute dans la chasse galerie. C'est possible, mais peu probable. Il y en a certains qui le font. En tout cas, on les aime quand même. Ben oui, on les aime d'amour. Même voilà. Si des fois c'est Rebecca McConnell qui joue après notre émission en place. Mais bon, que voulez-vous? On a notre café gratuit, alors on les aime. Voilà. Donc, on disait huile de palmarès, Spotify. Oui, huile de palmarès, Spotify, nouvelle chanson. Nouveaux artistes, j'ai décidé de vous en faire découvrir seulement deux aujourd'hui. Tos! Parce que j'ai juste 168 heures dans une semaine et j'ai pas le temps d'écouter plus de Spotify que ça. Elle a posté son agenda littéralement sur Facebook pour vous montrer parce qu'il faut que vous la croyez. T'sais. Oui, ben mon Dieu, c'est difficile parfois, c'est la folie! Voilà. Alors, la première artiste que je vais vous faire découvrir s'appelle Holly Lapsey Fletcher. Comment? Ou, plus connue sous son nom de scène, Lapsley. Ah. Comme des tours... Sleep. Ah, ok, Lapsley. Oh, wow, ça c'est. Lapsley. Je fais des gags tirés par les cheveux. Ça c'est pire que ce que je fais. Lap, L-A-P, Sley, S-L-E-Y. Ouais. Qu'est-ce que t'as contre ça? Ouais, c'est tout. Hein? C'est ça. Hein? Jeune artiste de 20 ans seulement, né en 96, qui vit du côté de la Grande-Bretagne et du côté du Royaume-Uni. T'as quelque chose pour le britannique depuis quelques temps. Hein? Oui, tout à fait. C'est une chanteuse et compositrice britannique et elle a déjà trois disques à son actif, entre autres Monday, qui est sorti en 2013, Understory en 2015 et Long Way Home en 2016. Je vous dirais qu'elle est quasiment qualifiée de d'indépendante, donc elle n'est pas nécessairement signée avec quelqu'un de ce côté-là. C'est les informations que j'ai réussi à trouver parce que si vous tapez... Oui, c'est assez obscur. Et si vous tapez son nom sur Google, ben c'est pas la plus grosse page d'informations que vous pouvez trouver. Ça, c'est comme quelque chose qui est de plus en plus... Il y a plus ça, hein, des sites web, c'est rendu... va sur mon Facebook, là, il y a quelques trucs là-dedans. Ouais, là. C'est ça. Tu sais, si vous allez sur le About, mettons, ouais. Ou à propos sur Facebook, il y a pas grande information là non ouais. plus, je vous dirais. C'est plate. Mais quand même, 60 000 abonnés du côté de ces médias sociaux pour Facebook. Et je veux vous faire écouter une de ces pièces qui va être Hurt Me, mais on va l'entendre tout à l'heure après que je vous présente la deuxième artiste. Parce que oui, cette semaine, c'est complètement féminin. Ouais, ben pareil, comme ouais. à ta chronique des fois voilà. à Assemblage Requis, tu nous parles de filles, c'est tant mieux. Tout à fait. La deuxième artiste dont je veux vous parler, elle s'appelle Kelsey Byrne. Et vous la connaissez peut-être plus sous le nom de Vérité. V-E-R-I-T-E, comme tu sais, la vérité là, en pareil, français. Ouais. Par contre, elle vient de New York aux États-Unis. Elle est née en 1990. Et on qualifierait ça quasiment de pop indie. Alternatif pop parfois. C'est très, très soul quand même à certains moments. Et elle est indépendante. Elle s'est déjà déclarée sur les médias sociaux et sur sa page Internet et aussi sur sa page Wikipédia. Personne ne m'achètera. Je suis indépendante. Et voilà. Et ça fait quelques temps déjà qu'elle gravite autour du monde de la musique parce que son père était à la base un musicien rock. Ah. Alors c'est là vraiment qu'elle a découvert sa passion pour la musique et elle a tout simplement décidé de nous faire quelques pièces, quelques IP qu'on appelle. Un maxi. Oui. On appelle les fois en français. Oui, voilà. Mm-hmm. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur Spotify, bien évidemment. Et si vous voulez aller faire un tour sur sa page Facebook aussi, c'est une des meilleures façons de trouver les nouvelles pièces que les artistes vont sortir bien souvent. Et si jamais vous n'êtes pas nécessairement certain de l'information que vous allez trouver sur YouTube, bien, allez vous assurer par la page Facebook ouais. parce que c'est souvent là que vous allez avoir le plus grand nombre d'informations. Où voilà. se retrouve sur Facebook en 2016? Oui, ouais, quand même. Ouais. Elle est devenue, c'est un petit fait assez cocasse comme ça, mais en 2014, elle a sorti son premier single qui s'appelait à l'origine Strange Enough. Et avec cette chanson-là, elle est devenue le Twitter artist most viral. Wow! Donc, elle est devenue l'artiste Twitter le plus viral en 2014 à cause de son premier single. Et je vais pas nécessairement vous faire écouter le premier qu'elle a sorti. Je vais vous faire écouter Underdressed, qui est une de ses nouvelles sorties sur Spotify. Il y a deux jours, ça faisait comme quelques heures que ça venait de sortir. Alors, j'espère que vous allez apprécier et c'est ce qu'on va aller écouter dès ce moment. Vérité, tout de suite. Pamela, c'est fou. Real de Palais. La vérité. Voilà. Everything means everything, or nothing means nothing. So I had your expletives under your breath. 'Cause all you ever wanna do is take all my clothes off, so you can show me there's no reason to be upset. tie my hair back, relive the years I've left behind. You could convince me to stay up all night with you, while you leave me underdressed and out of time. I'm anticipating heartbreak, and I know I'm putting on a brave face to meet you in the same place, and I know gotta let my mind find another space, cause I heard these scars never go away, and now I'm running out of ways to numb the pain. So if you're gonna hurt me, why don't you hurt like breathing underwater? Where's the law and order? I don't know. You're sitting in the corner, hiding till it's over. And it shows. Building on my walls to tear them down. Tell me that it's love forced me to drown. Building on my walls to tear them down. Tell me that it's love. Me Delapsed. Et tout juste avant ça, on a entendu Underdressed de Vérité. Les deux nouvelles pièces et artistes qui étaient dans la chronique L'huile de palmarès cette semaine. Attention! Oh! C'est quoi ça? C'est l'intro de ta chronique. Non, c'est l'intro de ta chronique. Oui, ben oui. Moi qui l'ai choisi avec tant de soin. Ben oui. Juste pour toi. Oh, c'est si gentil. Pour qu'il y ait des clics, puis des claques, puis des tapes dedans. Tu mangeais-tu des laces? Parce que tu sais, c'est de l'huile. Ah, de l'huile de palme. Ben ah, oui, voilà. C'est la chronique Huile de palme où justement on extrait les nouveautés musicales un peu en passant dans le tordeur avec Tania qui écoute du Spotify à longueur de journée. Pas le choix. Dans sa vie, c'est comme ça. Elle passe son temps là-dessus. Qu'est-ce que tu veux? C'est un réseau social comme un autre, c'est pas vraiment un réseau social, mais sinon, il y a pas mal moins de concentration. C'est ça. Mais non, c'est un réseau social parce que tu peux liker et puis partager. Ah ouais, on peut faire ça. Je sais pas, je pense que oui. Je suis jamais allé. Je suis pas super doué, là. Je fais juste écouter de la musique. C'est bien correct. Donc, Huile de palmarès. Voilà, on fait ça chaque semaine en deuxième heure dans les palmarès. C'est fou, il reste assez de temps pour aller entendre trois pièces. Donc, on va en sauter une. On va écouter les positions 7 et 6, sauf pour la sixième francophone qu'on va sauter, n'est-ce pas? Exactement, on va sauter Michel O avec la pièce Des gens comme moi. Ça fait quand même 5 palmarès qu'elle est là et on a monté d'une place pour Michel O, mais c'est la vie, on saute ta pièce. Voilà. Que voulez-vous? Du côté anglophone, on va entendre plus tard Blues Pills ainsi que Japan Girls, mais on va commencer avec la position numéro 7 francophone. Eh bien oui, ça va être Hypnolove avec La piscine, une pièce qu'on a entendue tellement souvent cet piscines, été mais oui. À Assemblage Requis. Je pense que c'est notre pièce fétiche. Yes. Les piscines! C'est C'est malade! Au bateau! C'est des palmarès, c'est fou! Au 89 FM! Au-dessus de moi, le soleil pompait une danse. soul, she's called death. Takes you in arms like a child to a mother. She's your sister, she's your brother, she is death. She is knocking at your door, don't have to run no more. This day I knew was coming. Wasted all my years with all of my fears. Gold, position numéro 6, anglophone, ça monte de la 18e place. Ça, c'est parce qu'on l'a joué à Assemblage Requis une couple de fois, je pense. Ah oui, tout à fait. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, eh bien, on a sauté par-dessus la 6e place francophone, qui était Michello avec des gens comme moi. Mm-hmm. Après ça, ben avant, en fait, plutôt dans le bloc, on a entendu du côté anglophone Japan Girls avec Bully For You, qui monte de 10 places. Elle aussi, une nouvelle entrée de la semaine passée. Et on a entendu La Piscine d'Hypnolove. Ah! Oh. une pièce si importante de notre été. Absolument, un classique récent. On appelle ça un classique instantané des fois. Donc, c'est comme un one-hit wonder d'assemblage requis, mettons. Ça arrive, mais quoi qu'on ne sait pas s'ils vont venir un jour avec d'autres choses, mais ça me surprendrait. Donc, Hypno Love. Il nous reste la troisième heure, la portion top 5 de l'émission. Reste avec nous, on revient dans quoi, 2 minutes? À peu près. Bye, à toi. Troisième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine, la période, voyons, du 12 au 25 septembre 2016. Ouais, non, on n'est plus à la semaine, là. Pas encore. C'est la dernière fois qu'on fait des périodes. On est encore sur le système de l'été, donc on a une période de 3 semaines, une période de 2 semaines, mais là, à partir de la semaine prochaine, on va revenir avec un palmarès pour chaque semaine. Voilà. Révolutionnaire. C'est malade. Donc là, présentement, c'est l'émission, nous, de la semaine du 19 septembre, qui couvre les semaines du 12 au 25 septembre. C'est pas ça? C'est pas mal clair. Et elle, on me dit à l'oreille que c'est Tania Baudin. Ouais, puis lui, apparemment, que c'est Mathieu Baudin. Mathieu Plante! Hey! Dans mes cauchemars! On a juste bu de café aujourd'hui, c'est ça. Mathieu. Ah non, j'embarque pas dans ce soir-là, moi, d'être un beau lait. Ah. Mais j'y connais pas! C'est une si belle convergence. J'y connais pas, une convergence. C'est une belle secte. Ah! Quand tu te converges. C'est comme les... c'est quoi, fléchères? C'est les fléchères, fléchés, cire, flèche. Tu sais, tous les enfants de la secte avaient des noms avec flèche ou... Ah ouais, non, je sais pas. C'est quoi cette secte-là? En tout cas, bref. Je suis pas au courant. C'est ça. Demain, à l'assemblagerie. Oui, dossier spécial. 25 ans. Oui. Donc, on était rendu au position numéro 5 des palmarès assez fous de cette période. Du côté anglophone, c'est Weaves avec Candy qui monte d'une place. Et du côté francophone, eh bien, c'est la même position que le dernier palmarès. Donc, pas nécessairement la semaine dernière. Mais c'est Chantal Archambault avec Corps étranger. Au palmarès assez fous. Au 89 FM. Parfois faire erreur sur la personne. On ne déshabille pas un homme aussi facilement que l'arbre en automne. Tu ton cœur est craint. just a giant walk over you. Film noir, oui je pense, j'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît. Holy fuck! Avec Tom Tom! Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom, ça monte d'une place en quatrième anglophone. Du côté francophone, eh bien, on a entendu Eden Noir de Peter Peter. Peter Peter. Qui, elle, avait descendu de deux positions. Oh que oui! Avant ça, on a entendu aussi les positions numéro 5 du côté anglophone, Weaves, avec la pièce Candy qui est montée d'une place. Et en franco, ben c'était stable depuis le dernier palmarès parce qu'on était là aussi. La dernière fois, c'est Corps étranger de Chantal Archambault. Voilà, on avance dangereusement des positions numéro 1. Avant les positions numéro 1, tout à l'heure, on va faire ailleurs dans les palmarès pour savoir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Mais avant ça, on est rendu aux positions numéro 3 du côté anglophone. Plus tard, ce sera Pop avec un ancien numéro 1 d'il y a quelques palmarès, DVP. Ouh! Et du côté francophone, eh bien, on a quand même fait un saut de 17 positions depuis le dernier palmarès. C'est le groupe Les Ghouls avec Coma. Just looking bleak at us now. J'aime la technique que Tania vient d'utiliser. Est-ce qu'on fait un bloc de 4? Je réponds non. Donc 30 secondes. 30 secondes avant qu'on revienne, finalement, c'est pas mal ça. Alors, on vient d'entendre Pop avec DVP, position numéro 3 stable. Et du côté francophone, eh bien, c'était Les Ghouls avec Kuma. J'ai à peine le temps de partir le petit fond. Super beaté, parce qu'on est déjà rendu aux deuxième place. Oh my god! Oh, que oui, c'est tellement excitant. Deuxième place, c'est presque les premières. Presque. Donc, du côté anglophone, ce sera Bad, Bad, Not Good, parlant de deuxième, parce qu'ils sont en deuxième place, et aussi qu'ils ont deux fois le mot bad. Hein, t'sais, donc, c'est double. Pas mal bad. Lancé numéro 1 de la précédente édition des Palmarès avec In Your Eyes. Du côté francophone, eh bien, ça va être Mauve, qui était à la 19e place francophone au dernier Palmarès. Donc, quand même, 17 positions. On a monté encore une fois 17, voilà. Et ça va être la pièce Longtemps. Voilà, on la part tout de suite, on n'attendra pas plus longtemps. Non. C'est pas mal assez fou. Au 89 FM. C'est fou. 89. 2. Bad, not good. La pièce In Your Eyes. Position numéro 2, c'est l'ancien numéro 1 de la semaine dernière ou de la précédente édition des Palmarès. Et l'album s'appelle Four. Et du côté francophone, eh bien, c'était Mauve avec Longtemps qui, eux, ont fait un saut de 17 positions vers le haut. Tu fais la position de quelqu'un qui va faire un plongeon, quelque chose du genre, je sais pas trop quoi. C'est pas que je m'étire, j'ai mal dans le dos. Ça, c'est pas les Olympiques, c'est voilà. Juste ça, l'étirement. Bref, avant de passer au numéro 1, c'est le moment de faire ailleurs dans les palmarès. Est-ce que t'es prête? Oh mon Dieu, faut pas qu'on chante. On a pratiqué une couple de fois là, pour être sûr d'arriver sur le beat cette fois-ci. Là, oh my God, passé. Attention. Monsieur. Je te passe ça, OK, puis je te fais signe, genre. Attends un peu. Hein? Je suis pas prête à ça, là. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. Je comprends pas comment tu fais te rendre si loin. Quoi? T'as du souffle? Oui, j'ai beaucoup de souffle en épaule. Sauf quand je respire. Quand je respire, j'ai aucun souffle, mais quand je fais des intros de chronique, apparemment que le souffle revient, c'est comme un super pouvoir. Puis quand t'embrasses des petites filles. Oui, je sais, j'ai beaucoup de souffle quand même, papi. On va demander à tes ex. C'est ça. on va passer à autre chose. Donc, ailleurs dans les palmarès, c'est la chronique dans laquelle on regarde ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Oh mon Dieu, t'es-tu sérieux? J'avoue que je suis allé chercher ça, là. Juste à côté. C'est écrit, ça a écrit, ça a fait. Donc, j'espère que t'as la bonne feuille parce que. T'as pas la bonne feuille? Non? Non, je l'ai. Donc, OK, on va remettre les auditeurs en contexte. Les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone. C'est aussi le top 30 des albums, le top 3 des disques canadiens ainsi que le top 10 loud. Donc, tu vas t'occuper du top 3 du top 30 des albums, mais moi, je vais faire la nouvelle entrée en premier lieu. Donc, c'est Mastercraft avec l'album Operator. Voilà. Et non, je n'ai pas la bonne feuille. T'as pas la bonne feuille? Nope. Eh ben, donc, position numéro 3 du top 30 des albums, on parle Pop avec The Dream Is Over. En deuxième, lancé numéro 1, Bad Bad Not Good avec 4. Et en première place, ça monte de 19, The Pack 80 avec Positive Thinking. Je me disais que ça jouait dans ce coin-là, mais... Ouais, mais non, c'est ça. Top 3 des disques canadiens maintenant. En troisième place, c'est une montée de 2 places pour Holy Fuck avec Congrats. En deuxième, ça monte de 1, Pop avec The Dream Is Over. Et en première, c'est stable, Bad Bad Not Good avec 4. Dans le top 10 de la musique loud, on a 3 nouvelles entrées. En 8e place, Sodom avec Decision Day. En 4e, Allergy On avec Proponent for Sentience. Et en 3e place, c'est Hellstar avec Vampiro. En 2e place, étant donné que le numéro 3 était une nouvelle entrée, on fait quand même le top 3. Donc 2e place, ça monte de 6 pour Hammers of Misfortune avec l'album Dead Revolution. Et en première place, ça monte de 4, 2e semaine de présence pour l'album Toxic Planet de Genetic Error. Voilà. Aha! Eh ben, t'as pas la bonne feuille, c'est bizarre. Mais. T'avais la première bonne feuille, mais pas la deuxième. Eh ben. Bref, on a choisi toujours d'écouter quelque chose dans le top soit 30 des albums, soit le top 10 loud, soit le top 3 des disques canadiens. Et cette fois-ci, ben, comme il y avait une seule nouvelle entrée du côté du top 30 des albums, ben, j'ai choisi une pièce de Mastercraft. Donc voici sur leur nouvel album Operator la pièce Party Line. Ouh! Ailleurs dans les palmarès, c'est fou! 89 FM! We get out talking to me like that. Don't you know I love you? That's a fact. I treat you bad, but you're all good. You know it's the way I should. You've been out a lot. Now let's take some time to talk about what we got to do. Jingle bell, jingle all the way. Mastercraft avec Party Line. Non, mais à vous. Attends, je vais reculer de genre 10 secondes. Là. Mastercraft, Party Line, une nouvelle entrée du top 30 des albums en position numéro 27. L'album s'appelle Operator. C'est un genre, hein, pour vrai, c'est pas mon genre de musique du tout, mais c'était la nouvelle entrée du top 30 des albums. Et il y a un vidéoclip avec cette chanson-là, c'est incroyable. Il y a des bouts, par exemple, qui étaient excellents. Oui, parmi les... Il y en a d'autres qui sont, ouais. Tu sais, comme les ongles sur un tableau à l'école primaire. Ouais. Ça ressemble à ça un peu. Si vous aimez la musique électronique comme ça, genre... agressant selon certains, mais pour d'autres beatés, à écouter Audiomatique les mercredis à 17h ici même à ce moment. Oui. Voilà. Nous, on est rendu au top 1. Déjà? Oui, je sais, ça passe super vite. Il ne reste même pas 15 minutes à l'émission, donc en anglophone. Ah, j'oubliais. Ben c'est oui, le moment de faire des jeux de mots, voyons. Ah, ben oui, évidemment. Je l'oublie jusqu'à la dernière seconde, ce qui est une très bonne chose, parce que sinon, il va falloir que je comment que ce soit le mot déjà? Gratte. C'est ce que tu grattes, oui. Dans mon cerveau pour réussir à trouver des gags, alors que là, j'ai pas besoin, ils me sortent directement de la tête, comme, je sais pas, comme les cadeaux sortiraient ou l'argent sortirait d'un coffre-fort, hein. Ah, ben oui. Fortin. Hein. Ben oui, fortin. Comme dans les mines, comme dans les pierres à feu, Fred Fortin, qui faisait la pierre à feu, je pense. Fred Caillou. Excuse-moi. Je suis pas... les époques, tu sais, je connais pas trop ça, moi, ah, l'histoire. Je suis plus un gars de... Je suis plus un gars de Gauss. C'est la joke la plus sarcastique au monde. C'était pour faire un gag d'Ultramar là, que je suis un grand fan de Gauss. Pourquoi tu l'as dit avant que... Ah, excuse-moi. Je m'excuse. Je te pile dessus. Je te pile dessus comme toi, comme mon fantasme serait que tu me piles sur le paquet. Comme wow! On dit. Oh, wow! Et là, je sais que toi, tu vas me dire, genre, ah, je sais que c'est ça ton fantasme, mais je l'exaucerai jamais, genre. Et mais voilà. Moi, je vais continuer de le penser. Je vais penser positif. Ah, c'est ça qu'il faut faire, non? Jusqu'à temps que je réussisse à avoir avec mon le nanan. Oh yeah en arrière, oh, c'était malade. Yeah! Donc, explique-nous tout ça, s'il te plaît. Il y a 6 gags là-dedans. C'était incroyable. Je suis pas sûre que je vais... On a 15 minutes. OK, bon, ben, si tu trouves pas de gags, tu vas devoir aller te gratter parce que la pièce du top francophone à la première position, c'est gratte. Oh, voilà. Fred Caillou, Fred Fortin. Fred Fortin. Ouais. Voilà. Et si Mathieu est un gars de gaz, ce qui est la joke la plus sarcastique au monde, ouais. C'est parce que c'est l'album Ultramar. Sarcastique parce que Tania n'arrête pas de me roter d'en face depuis le début de la matinée. Parce qu'on est rendu assez proche pour qu'elle puisse roter tout le temps. Et une fois que tu as commencé ça, tu peux plus arrêter. Hein? Non, mais c'est pas vrai. C'est parce qu'il faut expliquer aux gens oui, qu'on boit un. On a 15 minutes. Beaucoup de caféine, oui. Deux, beaucoup d'eau. Et trois, depuis tantôt, on mange des pastilles ouais. Parce qu'on a mal à la gorge. Fait que ma gorge fait des bruits bizarres. Voilà. Donc, du ouais. Top 20 anglophones, Mathieu a le fantasme que je lui fais. Je m'excuse d'avoir dit ça, mais c'était trop facile. C'est les jeux de mots les pires au monde. Il y a des gens qui nous écoutent qui vont passer genre plein d'affaires, là. Mais une fois que tu les expliques, ça se tient tellement comme un paquet. Vu comme ça. Explique-le que les gens donc, comprennent. Donc, le paquet à Mathieu, c'est à cause de l'artiste numéro 1 au ouais. Top 20 francophone qui est The Pack ID. The Pack, comme dans un paquet. Ouais. Et voilà. Je vais pas piler dessus, rassurez-vous. Mais si je lui avais dit, ben oui, je sais que c'est ça que tu veux, c'est parce que c'est la pièce Yes I Know. T'sais, voilà. T'sais, rien de moins. Et si Mathieu fait de la pensée positive pour quand même espérer qu'un jour je lui pisse sur paquet, c'est de l'album Positive Thinking. Ah, c'était soufflant celui-là. Encore une fois, comme toujours, comme je les préfère, pas préparé, c'est meilleur, je trouve. Pas préparé, tu dis pas attendu non plus. Aucunement attendu. Sérieusement, je l'oublie à chaque semaine qu'on va faire ça. Donc, ça me donne un petit défi. Que j'aime bien. Ouais, allons entendre, c'est numéro 1, donc de Pacquet plus tard avec Yes I Know, mais tout de suite, voici Fred Fortin et Gratte tout de suite dans les palmarès. C'est fou! Au 89 FM. La radio campus de Trois-Rivières. J'ai pensé l'hiver à penser la gratte. J'aime penser l'émission. La période du 12 au 25 septembre 2016, on vient d'entendre le fun de Pac 80 avec Yes I Know qui monte du fond jusqu'au sommet, donc de la 20e à la première place d'un coup sec. Et du côté francophone, eh bien, on a conservé la première position depuis le dernier palmarès de Fred Fortin avec la pièce Gratte. C'est quasiment exactement le contraire de passer du fond au sommet, tu fais juste rester à la même place au sommet. C'est ça, exactement. Bref, voilà pour les palmarès C'est fou pour la période du 12 au 25 septembre. À partir de la semaine prochaine, on va revenir à un format plus habituel. L'émission, elle, reste la même, là, toujours dans le même cas horaire depuis trois semaines. C'est la troisième, deuxième? Oui, oui. Ça fait quelques semaines qu'on est là. Voilà. On va garder le même rythme, mais on va revenir avec un palmarès nouveau à chaque semaine. Voilà. Donc, ce sera la semaine prochaine, mardi, entre 14h et 17h. Après nous, à 19h, il y a réanimation, l'émission de Métal et d'horreur. On repasse le vendredi à partir de 17h. Après nous, c'est réanimation à 20h encore, ainsi que matière noire juste après. En fait, c'est la même chose que le mardi. Oui, je sais, même c'est chose. Fou. Et finalement, on repasse le samedi entre midi et 15h. Après, c'est toi, Tania. Avec, ah ouais? En piste avec Tania Baudin, ainsi que la sortie secouette à votre gauche, Génie en liberté, Radio Sonic et Audiomatique. Wow, mais quelle soirée! Tout Tout à fait. Mathieu, si tu me laisses 30 secondes, oh, j'aimerais saluer un de nos nouveaux auditeurs, qui est Julien, qui a passé vraiment l'entièreté du show à nous écouter. Alors, merci beaucoup, Julien. Julian! Merci, Julian! Oui, oui, dis comme ça. Est-ce que le moustache? Non? Non, ça serait bien avec un Julian. Une petite moustache? C'est ça. Ben, je sais pas, en fait, s'il y a une moustache. Non. Je sais pas s'il y a une moustache. Tania! Ben, c'est un auditeur, Mathieu. Ah, OK, j'avoue. j'ai pas nécessairement une caméra sur lui, là. Sur chaque auditeur? Ça serait fou. Je sais pas combien ça nous coûterait. Je sais pas non plus. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Merci à toi, Mathieu. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée précédemment, c'est-à-dire du côté francophone, non anglophone. C'est du quel bord, ça? Francophone. C'est du côté francophone parce qu'elle est à la 18e position au dernier palmarès. Oui, mais là, maintenant, c'est pour ça, là. Attention. Pourquoi c'est pour ça, là? C'est rendu la 12e. Est-ce que t'as sa bonne feuille? Oui, oui. Au dernier palmarès, c'était la 18e position. Oui. C'est rendu la 12e position. Et on parle de fudge avec... La pièce Lazar? Ben oui, c'est exactement et, ça. Et que Lazar fait bien les choses, moustache molle, à la semaine prochaine. Oh, bye! J'aime ça la mettre dans l'embarras. Hey, c'est débile.